Voici la Minute de Sally, une émission écrite par Antoine Godby, avec cette semaine la voix de la célèbre jockey Dari Boudboul. Bonjour, c'est Sally, la petite chienne gentille. Aujourd'hui, c'est le premier lundi du mois d'août. J'ai une surprise pour toi. Aujourd'hui, c'est Dari Boudboul qui me fait l'honneur de me prêter sa voix. Tu sais bien que moi, Sally, j'ai une vraie admiration pour le cheval. Dari, ce n'est pas rien pour papa. Quand il était adolescent, mon maître Antoine se passionnait pour les courses de chevaux. Toutes les disciplines l'intéressaient, mais il préférait les courses de plat. L'hippodrome de Longchamp était facile d'accès pour lui. Combien d'après-midi papa a-t-il passé là-bas ? Sûrement plus qu'à travailler ses cours. En 1984, Antoine commençait à se passionner pour les courses de chevaux. Dari est la première femme jockey à avoir remporté un tiercé de plat sur cet hippodrome, en selle sur le crack Abdonski. Avec sa petite natte brune et son petit ruban assorti à la couleur de la casaque, elle ne laissait pas mon papa indifférent. Tu sais, c'était une autre époque. Les femmes s'émancipaient, le divorce se démocratisait, et la chanson ou le cinéma s'emparait de ce phénomène avec des chansons comme « The Winner Takes It All » d'Abba ou « Kramer contre Kramer » de Benton. Pas mal mon accent anglais ? À sa façon aussi, Dari était une pionnière de la condition féminine en évoluant dans un milieu très masculin. On peut même dire parfois misogyne. Parfois pour avancer, il faut savoir tordre l'ordre. On va donc passer une super semaine en sa compagnie. Surtout que tu verras, elle est une fan et une habituée de la presqu'île. À cheval, ma sœur, voilà les Indiens, comme disait le premier instructeur de Dari. En selle pour une semaine de folie. Car News. Chauffage assistance, entretien, dépannage, service après-vente de votre chaudière gaz ou fuel. Chauffage assistance s'occupe de tout. Et pour l'installation de votre pompe à chaleur ou le remplacement de votre chaudière, pas d'hésitation, contactez Chauffage Assistance. Chauffage Assistance à Saint-André-des-Eaux et sa région. Décra, près de chez vous, c'est votre centre de contrôle technique automobile à La Baule, dans la zone artisanale de Bellon, au 82 avenue des Noëls. Avec Décra, passez également votre examen au code auto, moto et bateau. Prise de rendez-vous au 02 40 42 57 41 ou en ligne sur decra-norisco.fr. Lorsque Sophie ouvrit son colis Amazon, ses yeux s'illuminèrent. Cette prise en main parfaite, ces différentes vitesses de brossage. C'était la brosse à dents électrique de ses rêves à un prix si bas qu'elle ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des super produits et des super prix. Découvrez nos super offres dès maintenant sur Amazon. À pied, à vélo, en voiture, en claquette, venez comme vous êtes dans vos McDonald's de La Baule et Guérande. Profitez de vos vacances pour passer un moment dans nos restaurants. Cet été, vos McDonald's de La Baule et Guérande Villejam vous accueillent tout l'été 7 jours sur 7, de 9h jusqu'à minuit ou plus. On a tous besoin de rire, de s'amuser, de vivre des sensations fortes. Venez découvrir les nouveautés 2023 du Luna Park de Guérande. Vivez un moment inoubliable en famille. Le Luna Park de Guérande vous accueille tous les jours à partir de 20h30. Route de La Baule, parking Intermarché. L'été, la bibliothèque municipale du Pouliguen vous accueille aussi sur la plage, sur le sable de la plage du Nau. Côté hôtel de ville, plus de 600 ouvrages vous attendent au sein de l'espace lecture. Installez-vous confortablement dans les transats et partez en voyage au fil des pages chaque après-midi. Laissez votre marque-page et revenez le lendemain pour suivre vos lectures. Du mardi au dimanche, de 16h à 19h jusqu'au dimanche 27 août, accès libre et gratuit. Plus d'informations sur le www.lepouliguen.fr. Les malices de Béatrice. Pour une idée cadeau, viens au Concept Store Les Malices de Béatrice sur le port du Croisic. Elle t'accueille dans son univers coloré et solaire. Tu trouveras des produits déco, des bougies, des peluches, de la vaisselle, des objets vintage. Et surtout, toute la collection de sacs Cabaya et les casquettes LXH. Si tu pousses la porte des Malices de Béatrice, tu auras à coup sûr un cadeau original. Les Malices de Béatrice, de rue de la Marine, sur le port du Croisic.

And that you

que j'attendais, dans un souffle, un soupir, comme un secret. Tu aurais dû me dire ce que j'espérais, quitte à me faire rougir, à me gêner. Trouvez de nombreuses idées sorties avec l'agenda d'Anthony Bisson. Un spectacle pour les enfants de 3 à 6 ans, une étoile dans ma valise, aura lieu le 9 août de 11h à 12h au Croisic, à la galerie Chapelot. C'est gratuit sur inscription auprès de l'office de tourisme. Le groupe Rewind sera en concert le 15 août à partir de 21h à la Bernerie-en-Ré, au niveau de la Grande Plage. C'est gratuit. Une visite aura lieu au Croisic le 9 août à 10h, commentée par Laurent Delpierre, historien de l'art et attaché de conservation du patrimoine. Cette promenade vous proposera de découvrir les quartiers anciens du Croisic. Prix de la visite 6 euros, le prix de 4 euros pour les demandeurs d'emploi, et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Informations et réservations auprès de l'Office de tourisme du Croisic. Carnews. Passer son diplôme, se poser des questions, se chercher, chercher des solutions, rencontrer les bonnes personnes. Découvrir l'armée de terre, être prêt, s'engager. Vous venez de passer votre diplôme, l'armée de terre recrute dans plus de 16 domaines d'activité. Venez nous en parler en prenant rendez-vous sur s'engager.fr. Écoutez. Vos meilleurs souvenirs de vie se forgent autour d'un bon poulet rôti. Cocotte et Popote, c'est la rôtisserie traiteur qui vous propose des plats en barquette individuelle, des plats du jour comme de la brandade de morue ou du parmentier de canard, et tous les jours en saison, paella et choucroute de la mer. Mais aussi les saucisses de Toulouse, les travers de porc ou les desserts maison. Venez découvrir Cocotte et Popote au marché du Pouliguen et n'hésitez pas à commander vos poulets à l'avance. Cocotte et Popote est ouvert 7 jours sur 7 de 8h30 à 13h30 pendant tout l'été au 9 Place des Halles au Pouliguen. Pour votre santé, bougez plus. Vous voulez roche-mazet cet été? Clairement rosé, le rosé clair de roche-mazet avec un tartare de tomate burrata. Clairement rosé, le rosé clair pour toutes les saveurs de l'été. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Renault.

I didn't wanna fight. Started to cry, but then remembered planète. Tant que j'ai mon cœur près du tien, j'entends les flonflons de la fête, et la terre n'y est pour rien. Ah oui, parlons-en de la terre. Pour qui elle se prend la terre? Ma parole, y'a qu'elle sur terre. Y'a qu'elle pour faire tant de mystère. Mais pour nous, y'a pas de problème. Car c'est pour la vie qu'on s'aime. Et s'il y avait pas de vie même, on s'aimerait quand même. Tu me fais tourner la tête, mon manège à moi. Je suis toujours à la fête quand tu me tiens dans tes bras. Je ferai le tour du monde, que ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant que toi. Ensemble, nous deux, quelle vie on a tous les deux, quand on s'aime comme nous deux. Care News, il est 13h. Care News, au cœur de l'actualité de notre région. Le flash d'info local avec Anthony Bisson. Acteur du quotidien de ses 75 000 habitants à l'année et de ses 360 000 habitants en saison, la communauté de communes Cap Atlantique profite de son 20e anniversaire pour moderniser son logo et son identité graphique afin de relever les nouveaux défis des prochaines années et mieux se faire connaître. Pour ce faire, elle fait appel à l'agence de communication spécialisée en design de marque et d'identité Graphéine, qui a déjà réalisé le même travail pour de nombreuses agglomérations. Cap Atlantique dévoilera son nouveau logo le 13 septembre prochain. Durant cette année scolaire, 70 élèves nazériens ont participé à deux dispositifs d'accompagnement issus du programme de réussite éducative PRE. Petite Plume, 30 élèves de CP et Cap Collège, 40 élèves de CM2. Sur chaque dispositif, des groupes d'enfants repérés par leurs enseignants ont été constitués et encadrés deux soirs par semaine tout au long de l'année scolaire afin de faciliter leurs apprentissages et développer leur confiance et l'autonomie. Afin de répondre au mieux aux besoins des familles, le crématorium de la Fontaine-Thuot à Saint-Nazaire, construit en 2001, sera réaménagé, agrandi d'ici l'été 2024. Il disposera d'espaces modulables, offrant une grande polyvalence, un hall d'accueil, une salle de visualisation, des bureaux et trois salles de cérémonie. Un patio central végétalisé reliera ces différents lieux. Le parking sera lui aussi agrandi. Les travaux sur le site du crématorium débuteront en septembre 2023. Le département de Loire-Atlantique a été labellisé Terre de Jeux 2024. Son premier engagement s'est traduit concrètement par un programme d'accompagnement de 200 000 euros en direction des clubs amateurs afin de financer les entraînements des athlètes engagés dans un projet olympique ou paralympique. Ce sont 38 athlètes qui sont encouragés par le département, de l'athlétisme à la natation synchronisée en passant par de nouvelles épreuves comme le breakdance. Les disciplines pratiquées par les athlètes soutenus sont aussi le miroir de la diversité des pratiques sportives existantes en Loire-Atlantique, indique le département. Dans une logique d'inclusion, la liste des 38 athlètes compte 14 para-athlètes, également soutenus pour leur préparation aux Jeux Paralympiques Paris 2024. À l'Océarium du Croisic, plongez dans un espace entièrement dédié à l'océan. Venez explorer la mer et ses mystères, frissonnez devant des requins d'Australie, émerveillez-vous devant les raies, manchots, poissons clowns, pieuvres, hippocampes. De l'océan Atlantique au Pacifique, de la mer Méditerranée aux mers tropicales, vivez des rencontres insolites. L'Océarium du Croisic vous présente la météo du jour. Ouvert 7 jours sur 7. En toute saison et par tous les temps, Océan Chauffage est à votre service pour vous conseiller sur votre installation de chauffage. Océan Chauffage, une équipe toujours à vos côtés et une référence en matière de plomberie sur toute la presqu'île. Océan Chauffage vous présente votre météo du jour. Cet après-midi en soirée, des nuages et des éclaircies, le vent sera faible de secteur ouest, les températures il fera de 19 à 20 degrés, et puis avec un coefficient de marée de 72 au Croisic, la mer sera basse à 16h05 et haute à 21h46. Vous avez des projets de rénovation? Vous souhaitez refaire votre salle de bain? Remplacer votre chaudière? Faites appel à Océan Chauffage, une entreprise de référence en matière de chauffage et de plomberie sur toute la presqu'île. Océan Chauffage, des professionnels toujours à vos côtés pour le dépannage et l'installation d'une chaudière, d'une pompe à chaleur, d'un système solaire et la rénovation de votre salle de bain. Alors n'hésitez pas à nous contacter. Océan Chauffage, 3 rue Drézégui à Bas-sur-Mer. Téléphone 02 40 23 84 84. When I was young, I'd listen to the radio, waiting for my favorite songs. When they played, I'd sing along. It made me smile. Those were such happy times, and not so long ago. How I wondered where they'd gone. But they're back again, just like a long lost friend. All the songs I love so well. Every sha-la-la-la, every woe-woe still shines. Every shame. It's yesterday once more. Christine Blanc, vous connaissez? Christine Blanc, coiffeur conseil à la Baule, membre de la haute coiffure française, un savoir-faire et une connaissance artistique pointue, un accueil et une qualité de service irréprochable, une écoute professionnelle de chaque client. Christine Blanc, 154 avenue de la Tour de Tassigny. Téléphone 02 40 11 05 11 et sur christineblanc.com. Christine Blanc, passionnément coiffeur. Christine Blanc, c'est aussi la coloration 100% végétale et des produits naturellement bio pour des cheveux en bonne santé. Venez découvrir votre nouvel espace dédié à l'esthétique au salon Christine Blanc. À pied, à vélo, en voiture, en claquette, venez comme vous êtes dans vos McDonald's de La Baule et Guérande. Profitez de vos vacances pour passer un moment dans nos restaurants. Cet été, vos McDonald's de La Baule et Guérande Villejam vous accueillent tout l'été 7 jours sur 7, de 9h jusqu'à minuit ou plus. Il était une fois la maison du sabot. Vous entendez ce bruit au loin ? C'est depuis 1946 que se cache dans cette maison l'authentique chaussure bretonne. Spécialisée en sabots artisanaux et en chaussures de confort, vous trouverez des produits de grande qualité, confectionnés par nos meilleurs artisans français. Indémodables, les vrais sabots d'antan se redécouvrent au 5 rue des Étaux à Bas-sur-Mer. Passez le pas de la maison du sabot et chaussez-vous avec la tendance de l'année. Le sabot, ouvert toute l'année. La maison du sabot, 5 rue des Étaux à Bas-sur-Mer. Entrepreneurs, si pour vous, la compta rime avec Kata, ne bougez pas, j'ai le plan qui va vous intéresser. Amaris Contact, c'est 6 cabinets comptables en Loire-Atlantique. Notre différence ? Nos équipes vous proposent la formule gagnante, l'humain, l'accompagnement, la proximité et le tout de manière décontractée. Alors, convaincu ? Prenez rendez-vous dès maintenant sur notre site amaris-contact.fr. Renault. La sécurité n'est pas réservée qu'aux automobilistes. Chez Renault, nous voulons protéger tous les usagers de la route. Piétons, cyclistes, motards, automobilistes. C'est pourquoi nous avons déposé plus de 2000 brevets depuis 1969, formé plus de 5000 pompiers dans 19 pays et investi toujours plus dans la recherche et le développement, l'intelligence artificielle et les services connectés. Découvrez tout le programme Human First, la sécurité par Renault, sur renault.fr/sécurité. Source Renault. Au quotidien, prenez les transports en commun. Hey, Desperados Tropical est dans la place. Avec ses saveurs rhum, au tropique, elle fait une dédicace. Je vous raconte l'histoire ? Desperados Tropical explore de nouveaux horizons. Sa différence, ses arômes rhum, citron vert et passion. Faut voir la fraîcheur qui coule en elle. Non mais, on n'a jamais vu une bière pareille. Desperados Tropical, sa nouvelle recette aux saveurs rhum et fruitées. Mais surtout, surtout, elle est signée Desperados. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. But I will never be all right. My girlfriend's tous besoin de rire, de s'amuser, de vivre des sensations fortes. Venez découvrir les nouveautés 2023 du Luna Park de Guérande. Vivez un moment inoubliable en famille. Le Luna Park de Guérande vous accueille tous les jours à partir de 20h30. Route de la Baule, parking Intermarché. Vous nous avez fait confiance à Guérande pour votre vue depuis 35 ans. Nous sommes heureux de vous annoncer l'ouverture de notre nouveau magasin Chris à la Baule. Chez Chris, nous nous engageons à prendre soin de votre vision. Nos experts vous guident dans le choix de montures élégantes avec des verres issus des dernières technologies. Que vous recherchiez des lunettes de soleil tendance, des lentilles de contact ou des lunettes de vue pour toute la famille, Chris a tout ce qu'il vous faut. Vivez l'expérience Chris maintenant à la Baule, aux 2 avenue Georges Clémenceau, sur place de la Victoire, face à l'office de tourisme. Dispositif médical. En cas de doute, demandez conseil à votre opticien. Venez passer vos douces soirées d'été au Pouliguen pour la 3e saison consécutive. La ville du Pouliguen vous propose tous les mercredis de l'été un marché nocturne réunissant artisans, producteurs et créateurs locaux. Chaque soirée sera accompagnée d'un concert, d'une déambulation ou encore d'un spectacle de rue. Rendez-vous tous les mercredis jusqu'au 23 août à partir de 19h et jusqu'à 23h sur le quai Jules Sandeau au Pouliguen. Plus d'informations sur le www.lepouliguen.fr. Les malices de Béatrice. Pour une idée cadeau, viens au Concept Store Les Malices de Béatrice sur le port du Croisic. Elle t'accueille dans son univers coloré et solaire. Tu trouveras des produits déco, des bougies, des peluches, de la vaisselle, des objets vintage. Et surtout, toute la collection de sacs Cabaya et les casquettes LXH. Si tu pousses la porte des Malices de Béatrice, tu auras à coup sûr un cadeau original. Les Malices de Béatrice, de rue de la Marine sur le port du Croisic. Bientôt la pause pour toi ? Ah oui, cette année j'ai pris 3 semaines. Il me faut ça pour récupérer. Je croyais que les entrepreneurs ne coupaient jamais. Je viens de clore mon bilan. Mon comptable a fait tout le tour de la boutique, je sais où je vais et j'ai ma feuille de route. Comment tu peux être sereine à ce point-là ? On en discute beaucoup avec mon comptable, Amaris Contact. Il est avec nous depuis le début. Je lui dis tout en fait. Non, je me sens vraiment soutenue et guidée, y compris sur ma fiscalité perso ou ma protection sociale. Donc tu vois, là, je m'accorde une pause l'esprit tranquille et ça repart à mon retour. Ah, quand j'entends ça, je me lancerai bien à mon compte aussi. Et pourquoi pas ? Envie de créer en toute sérénité ? Le budget prévisionnel est offert pour toute souscription. Alors prenez rendez-vous dès maintenant sur notre site amaris-contact.fr. Une toiture non entretenue, c'est inesthétique. La toiture s'abîme et un beau jour... Mais faire appel à un artisan pour démousser sa toiture, c'est très coûteux. Et grimper sur le toit pour la nettoyer, c'est dangereux. Heureusement, il y a PowerJet 2 de Multirex qui pulvérise à plus de 10 mètres avec une batterie d'une autonomie de 5 heures. Nettoyez vous-même votre toiture sans monter dessus et faites un max d'économies. Le stop dépôt vert de chez Multirex est sans javel et supprime verdissure, algues, taches rouges sur les toitures, terrasses et façades. Renseignements sur le site pulvirex.fr ou chez Multirex, parc d'activité de Villejam, 17 rue de la Grenouille Verte à Guérande. Leclerc. Joker. Hein ? Les barres de céréales Nestlé, là, c'est mon joker pour le goûter des enfants. Chocapic, Lion, Golden Grams, Nesquik, Fitness Chocolat, ils adorent tout. Et qu'est-ce que je vois, là ? Pour l'achat d'une boîte, il y a 68% de réduction sur la deuxième, comme par hasard. Ah bon ? Non mais moins 66% sur la deuxième, me dis pas que tu l'avais pas vu. Joker ! Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 1er au 12 août, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, évitez de grignoter. Passer son diplôme. Se poser des questions, se chercher, chercher des solutions, rencontrer les bonnes personnes, découvrir l'armée de terre, être prêt, s'engager. Vous venez de passer votre diplôme, l'armée de terre recrute dans plus de 16 domaines d'activité. Venez nous en parler en prenant rendez-vous sur s'engager.fr. Un rêve ou un mauvais film, une italienne, il était son homme, son essentiel, lui il aimait Candide, sa bohémienne. Elle était gauche, elle était droite, surtout la débauche, Dieu quel dégoût, ce mot dans sa poche, elle a compris d'un malhonnête, mamma mia, que j'ai

Elle reste là. Et en fin de compte, je me demande même si elle serait pas là un peu tout le temps. Tristesse est là et... Tristesse. Marionnette, on est. Et on le reste. Marionnette, on est. Et on déteste. Marionnette, on est. Les volets clos, j'ai

septième. Lycée Carnot la semaine. Et l'album blanc dans mes oreilles tout le week-end. Je gratte pour que les filles me regardent. Ça me fait redoubler la terminale. Et Jean-Louis me dit que je joue pas trop mal. Plaisir à mon père. Fac de médecine, c'est la galère. Je veux jouer du rock, m'rouler par terre. Hey baby. Hey. Pendant que les potes fumaient la tête, je grillais mes nuits au fond des caves à faire sonner. Le sexe and drugs, les pièges du rock and roll, l'argent trop cher et les cendrillons qui papillonnent. Mon avion faisait le tour du monde pendant que je tournais autour de moi-même à parler au minibar d'une chambre d'hôtel. Oh, aucun regret, c'est le film de ma vie. Parfois le film de ma vie. Je n'ai pas oublié l'essentiel de bien rentrer à la maison où quelqu'un m'attend, moi le petit con.